Moi qui n'aurais jamais pris un verre, me voilà maintenant à l'hôtel chaque soir. C'est pour t'oublier et c'est sans espoir. Un verre, deux verres et puis trois verres. Mais tu es encore dans ma pensée. Quatre verres, cinq verres et puis six verres. Voilà, je t'oublie, tout commence à tourner. Qu'à penser, tu ne seras pas à moi. Le soir venu, à l'hôtel, je recommande. Pour noyer mon chagrin, jusqu'au matin, je bois. Un verre, deux verres, et puis trois verres. Et tu es encore dans ma pensée. C'est ce qu'il me faut pour oublier. Je n'ai rien à dire pour qu'il m'apporte bien. Les verres qu'il me faut pour bien t'oublier.